On rêve de s'évader à la petite cuillère. Au 77e sous-sol, Farachnikov, néochrome. Au 77e sous-sol s'envole ma frénésie. Le sort nous fait des signes, bien que la mort nous désire comme Kennedy. L'homme joue de sa génétique, le roi du monde se fait des fixes. L'adresse du gitane se trouve sûrement chez ses pédétiques. Au 77e sous-sol, on veut être pété de fric. Siroté, scotché, ligoté, sport au fil électrique. Au 77e sous-sol, secret d'éclipse. La scène est triste, comme un blues qui cherche du réconfort auprès des crips. On arrive des terres comme une équipe de mercenaires. Verse le verre, reste fier, je donne tout ce que j'ai comme chef de nerf. J'suis pas un de ces confards qui rêve de sperme. Et que ça te sert, n'oublie jamais que t'es qu'une tache de sperme. Que c'est qu'une fois criblé qu'on sera ce que ton polo vaut. Génération low-cost, on vous prépare un holopose. C'est pour mes rolotos, ça Sahazan Panam. C'est le retour de flamme par voie anale. On mélange nos billes très tôt. Un élan de folie du métro. Et je récite la mélancolie du ghetto. Équipe de nuit en virée nocturne. On vise la lune avec utopie. Vie les beaux thunes. Je traîne comme les crocs d'un chien. On m'esquive comme Joe l'Indien. On peut pas dire que j'ai hérité d'un calme olympien. Oui oui, on se maintient approché. Bande de baltringues. C'est le flot d'un zien t'accrocher au dos d'un flingue. Au 77e sous-sol s'envole ma frénésie. Le sort nous fait des signes, bien que la mort nous désire comme Kennedy. L'homme joue de sa génétique, le roi du monde se fait des fixes. L'adresse du gitane se trouve sur manger ses pédétiques. Au 77e sous-sol, on veut être pété de fric. Siroté, scotché, ligoté, sport au fil électrique. Au 77e sous-sol, secret d'éclipse. La scène est triste, comme un blues qui cherche du réconfort auprès des crips. La petite biche de routine, l'encre des coulines, j'découpille. V'là du Vladimir Poutine, c'est qui là? Parachnikov, tueur de syllabes. Serial killer, qui la pose façon Godzilla. J'pisse dans mes peines, le pire serait de perdre. Puisqu'on les ken, j'pisse sur le pen et tire sur le perse. J'prépare une vengeance ignoble pour ces guignols. C'est la revanche des microbes sur ces péquignos. Cherche pas à exécuter, c'est dans nos veines PD. Compte sur les putes et tu seras dead avant qu'elles viennent t'aider. Double 7 district, c'est là que la patate glisse. Dis au cataclysme qu'on est passé en mode cataclysme. On m'a dit pas de la chance mais n'oublie pas ta cible. Alors j'assassine du sud de la France jusqu'au Batacide. C'est Fatal City, par la Guigui. Largue la Sicile, c'est signé Don Farage au large de la Sicile. Au 77e sous-sol s'envole ma frénésie. Le sort nous fait des signes, bien que la mort nous désire comme Kennedy. L'homme joue de sa génétique, le roi du monde se fait des fixes. L'adresse du gitane se trouve sûrement chez ses pédétiques. Au 77e sous-sol, on veut être pété de fric. Siroté, scotché, ligoté, sport au fil électrique. Au 77e sous-sol, secret d'éclipse. La scène est triste, comme un blues qui cherche du réconfort auprès des crips. Ah, Farachnikov, 77e sous-sol.